L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Même si la sonde américaine Messenger a terminé sa mission il y a quelques semaines en s'écrasant sur Mercure, les données qu'elle a recueillies ces dernières années continuent à être exploitées et analysées. C'est le cas, par exemple, encore aujourd'hui avec la publication d'une étude concluant à l'existence d'un champ magnétique très ancien sur Mercure. Messenger était doté d'un magnétomètre permettant de mesurer le champ magnétique. Ce sont les données de cet instrument que l'équipe de Catherine Johnson de l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver ont exploité pour étudier le champ magnétique issu de la croûte de Mercure. En regardant de près le champ magnétique mesuré quand Messenger n'était qu'à seulement 150 km d'altitude, les chercheurs démontrent l'existence d'une magnétisation rémanente de la croûte de Mercure qui signe l'existence d'un champ magnétique global produit par un processus de type dynamo apparaissant dans les couches externes du cœur fluide de la planète et qu'il devait déjà exister il y a 3,7 milliards d'années. Il faut se rappeler que Mercure est la seule planète tellurique, avec la Terre, à posséder un champ magnétique issu d'un phénomène de dynamo interne. Ce champ est beaucoup plus faible que le nôtre, son intensité ne dépassant pas 1% de celle du champ magnétique terrestre. Il a la particularité d'être de symétrie axiale, mais asymétrique vis-à-vis de l'équateur, indiquant une asymétrie nord-sud dans la dynamo interne. On connaît l'existence de ce champ magnétique depuis quelques décennies, depuis que l'on envoie des sondes autour de Mercure, mais sans pouvoir savoir si ce champ a toujours existé ou depuis combien de temps il existe. C'est justement à cette question que Johnson et ses collègues viennent de répondre, ce qui permet par ailleurs de mieux connaître l'évolution interne de la planète. Pour savoir que le champ magnétique de Mercure existait déjà il y a plus de 3 milliards d'années, les planétologues ont utilisé une astuce qui est fondée sur l'existence de roches magnétisées dans la croûte de Mercure. Ces roches ont acquis leur aimantation lorsqu'elles étaient en fusion et qu'elles se sont refroidies. En cristallisant, les particules ferriques ont conservé l'orientation qu'elles avaient naturellement prise en présence du champ magnétique externe. Ces roches magnétisées produisent leur propre champ magnétique, qui est au départ aligné avec le champ magnétique environnant. La subtilité qu'ont su exploiter les chercheurs est que ces roches, dans leur longue durée de vie, ont subi diverses altérations, comme des activités tectoniques, des réchauffements ou encore des chocs ou des réactions chimiques, altérant de fait leur aimantation et donc l'intensité ou la direction du champ magnétique interne produit. Toutes ces variations en intensité, en direction ou bien en épaisseur ou profondeur de couches rocheuses produisent au final des anomalies magnétiques qui peuvent être détectées à 150 km d'altitude par le magnétomètre très sensible de Messenger. Entre 2011 et 2014, aucune anomalie magnétique n'a pu être mesurée par la sonde. Ce n'est qu'à partir d'avril 2014 que Messenger est descendu sur une orbite à moins de 200 km d'altitude et a commencé à mesurer des variations anormales du champ magnétique. Ces variations ont une intensité très faible, de l'ordre de quelques dizaines de nanotesla, mais suffisent à conclure clairement à l'existence d'un champ magnétique à l'époque très reculée de la cristallisation des couches rocheuses étudiées. Les astronomes ont depuis de nombreuses années construit des modèles thermiques de Mercure. Et parmi les deux processus pouvant être à l'origine de l'apparition d'un phénomène de dynamo, l'un a pris fin il y a 3,9 milliards d'années et le second a débuté, lui, il y a 3,7 milliards d'années. Le premier est ce qu'on appelle la phase de refroidissement superadiabatique du cœur liquide et le second et la formation des couches internes du cœur associées à des effets de refroidissement et de convection. Les planétologues ont conclu donc que le champ magnétique de Mercure a dans tous les cas au moins 3,7 milliards d'années et qu'il existait potentiellement encore plus tôt. L'article donc de Catherine Johnson et ses collègues est paru aujourd'hui dans Science, le numéro, le volume 348, numéro 6237, du 22 mai donc 2015, et s'intitule « Low Altitude Magnetic Field Measurements by MESSENGER Reveal Mercury's Ancient Crustal Field ». À très bientôt sur Ça se passe là-haut, restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Et puis restez bien les yeux au ciel quand il n'y a pas de nuages, et les pieds sur terre, même s'il y a des nuages, ou même s'il n'y en a pas. Allez, à très bientôt, salut !